Et voilà. Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah mais ça c'est vous ! Donc, dingue ! Non mais ça allait hyper bien ensemble, bravo. D'autres bruiteurs seront présentés ces prochains jours. Et puis maintenant, on enchaîne. On enchaîne avec un direct live de Deep Hypnoise. Voilà, toujours, on reste un peu dans la thématique wellness et ça va, ça s'enchaîne soniquement très bien avec le bruiteur que l'on vient d'entendre. On accueille à la table de Radiosine en live, direct live, les artistes Seth et Crève-Chien sous leur nouveau nom de duo Crash en B mineur. Pour non, c'est les qui vont nous interpréter les Crash Saisons. Voilà, et peut-être que vous allez entendre une méditation parler, crier, chantonner, me par-dessus, on verra selon. En tout cas, allongez-vous et kiffez bien l'ambiance pendant au moins les 10 prochaines minutes. 8:30. Thank you. Waouh. Mais je remets. Hop. Tic tic tic tic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes bien détendus. Oui. Nous sommes très très détendus. C'était incroyable. Ah, Mara Winter et Léo Duplex sont arrivés. Et afin de pouvoir les accueillir comme il se doit, nous allons d'abord vous passer. Non, ce pied de micro, c'est pas possible. Et d'abord, de ce corps, Freddie Mercury. Vous... Et d'abord, vous passez le récap de la veille de Jeanne 7 qui vient de participer à cette. Enfin, qui de nous faire cette hypnose très efficace. Merci Crash Duo, merci beaucoup et à toutes.